7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hello, bon dia, la planète et la familia. J'espère que vous allez bien sous le soleil de Radio Franciel aujourd'hui. Il va faire beau et même très beau, du soleil partout, pas un brin de nuage. Ça, c'est la très bonne nouvelle pour vous réveiller. Jusqu'à 27 degrés, au réveil 13 degrés, et le soleil va dominer toute la région d'Orléans, Pithiviers, Olivet. Vous qui arrivez là sur les ondes de Radio Franciel, qui allez travailler encore parce que vous n'êtes pas en vacances, ouais, peut-être bientôt les vacances, alors profitez du beau temps aujourd'hui, ce midi, pour faire la petite pause à midi avec le petit sandwich qui va bien, et bronzer quelques minutes au soleil. Le son qui arrive pour bien démarrer cette journée, et on vous l'a dit, agréable, avec le nouveau Lucenzo qui arrive, Baila parmi Lucenzo, sur la console qui est un habitué de la radio, et on adore. Voici le nouveau. Con ese movimiento suave, dale, baila pa' mí. Me pone mano con su boom, boom, baila, mami. Con ese movimiento suave, dale, baila pa' mí. Sin compromiso, quiero tenerte en mi cama. Y nos quitamos las ganas. Es que tu cuerpo me llama y hasta la mañana. Me gusta cómo baila pa' mí. Bailando, tu cuerpo sudando y yo aguantando. Dime qué está pasando, que tú tienes algo que me está tentando. Tu calentura, eso no es normal. Es algo mágico, parece un ritual. Mami, yo quiero tenerte, yo quiero besarte y en mi cuerpo complacerte. Solo quiero que me dé una noche. Lo hacemos en la cocina, en el coche. Mami, no me provoques, solo con un beso te aloques. Sin compromiso, quiero tenerte en mi cama. Y nos quitamos las ganas. Es que tu cuerpo me llama y hasta la mañana. Me gusta cómo baila pa' mí. Las ganas, es que tu cuerpo me llama y hasta la mañana. De FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. 7h-9h, c'est Francky dans la radio, l'été 86. Image avec les démons de minuit qui sont restés quand même 17 semaines à l'époque numéro 1, parce qu'il y avait toujours à l'époque le tube de l'été. Bah c'était le tube de l'été 86. Et ils reviennent, le collectif métissé, avec Caliente, Kuduro, belle journée et bon réveil sous le soleil de la radio jusqu'à 27 voire 28 degrés. Ça fait du bien de retrouver la famille du collectif. Bon dia à la planète. Danza Latino, caliente puro. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Le plus grand festival radio Arc-en-ciel, le festival des saints populaires, aura lieu le 9 et 10 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Samedi, à partir de 18h, défilé de 3 groupes de tambours. Barbecue géant, avec sur scène le samedi, le groupe Energia. Marquito, dimanche, dès 9h, émission en direct du parc. Repas animé par Tony de Porto. Sur scène, Valentina Ferrari, Tony de Porto, Elena Correa, Nel Montero, Léo et Leandro. Fin des festivités avec les trois groupes. Et ouais, c'est ce week-end un événement à ne pas rater. On sera là aussi pour animer tout ça. Hein. 9 et 10 juillet, la grosse soirée de Radio Arc-en-Ciel, le gros week-end. Les saints populaires, ce week-end, on vous attend nombreux et nombreuses. Voici la petite culotte, la Gofa Lolita. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute. Ne soutient pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. Sentero lì, sentero lo, sentero là, sentero con parolità. E j'attrape Lolita, e je me prends une chatte, car les femmes du 20e siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne soucions plus du regard des autres, elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui, mais c'était qui, mais c'était qui, mais c'était qui, mais c'était qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, mais c'est qui. Sentero lì, sentero lo, sentero là, sentero lì, sentero lo, sentero là, sentero con parolità. Sentero lì, sentero lì, sentero lo, sentero là, sentero lì, sentero lo, sentero là, sentero con parolità. Et on adore sur Radio Arc-en-Ciel, petite culotte, la Goffa Lolita. On est avec vous, tranquille, jusqu'à 9h. Je vous accompagne avec un petit air de musique comme ça pour vous sortir du lit tout en douceur avec Louis Bertignac, ces idées-là. Belle journée. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, des cendriers tous renversés. Des heures passées devant l'avenir de ma télé, des nuits sans dormir à me demander où tu peux bien aller. Oh.

c'est Francky dans la radio. Il sera à la fête des Saints Populaires. Ce sera samedi soir sur scène. À ne pas rater, Marquito, belle journée. Bon réveil à tous. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Oui, on vous rappelle, hein, malgré les chaleurs, malgré le beau temps, les autorités rappellent que la Loire reste très dangereuse. Pas mal de cours d'eau qui sont assez puissants à certains endroits de la Loire. Donc, je vous rappelle, la baignade est strictement interdite en Loire ou alors dans les zones surveillées comme Charlemagne par exemple. Et des travaux aussi sur la ligne 1 du tramway. Oui, on change les rails, hein, après 20 ans déjà d'existence des rails. Eh bien, des renouvellements vont être effectués aujourd'hui, puis dans la nuit aussi, pour vous faire un beau tram tout neuf sur la ligne A. Bonne journée avec Soul King qui arrive et puis Kenji Girac. On adore ce titre, il est nouveau, il est déjà sur l'arc-en-ciel. Belle journée et bon courage à vous si vous allez travailler ce matin. Baby, t'es ma drogue. Baby, quand je te vois baila, la la la. Baby, t'es ma drogue. Baby, quand je te vois baila, la la la. Notre histoire, j'en fais un film, j'en fais une saga. On s'est connus un jour d'été à Malaga. Y'a encore ton odeur quand je défais mes bagages. Y'a encore nos deux cœurs suspendus dans les nuages. Je la taquine le matin quand elle se maquille. Elle aime la rumba, nous sur taki-taki. Donne-moi ta main qu'on danse toute la vie. Baby, baby, oh, baila. Toute la nuit, tu es si belle, mi amor, baila. Je pourrais te regarder toute ma vie. Te regarder quand tu oh. La lune et les étoiles aussi. Te regarde quand tu oh baila. Tiens là oh baila. Aïe papa mio asema. C'est ce qui brille même quand le ciel s'assombrit. Aïe papa es mia siempre. Une fleur rare cachée dans ce petit village. Ay que calor que hay aquí. De Puerto Rico je l'amène à Miami. Et mi amor, yo soy Kenji. Je te kidnappe, je t'emmène en Gitani. Le matin, elle a fait son petit sac à dos. Pour que je l'emmène en balade sur la moto. Je la rassure, bébécita. Morena pour le pire et le mejor. Baila. Toute la nuit. Tu es si belle, mi amor. Baila. Pourrais te regarder toute ma vie. Te regarder quand tu oh, baila. La lune est des étoiles. Baby, on se connaît, baila. C'est le nouveau Soul King avec Kenji Girac. Coucou à Rodolphe qui est connecté du côté d'Orléans. Belle journée à toi Francky, merci mon ami. Sous le soleil, aujourd'hui on vous l'a dit 27 voire 28 degrés. Ça va être une journée très belle, très chaude. Normalement toute la semaine ça devrait être ensoleillé. Des barbecues peut-être prévus, des résultats du bac. Ça sera mercredi, ah ouais, le bac. Alors peut-être des bons moments à passer en famille mercredi avec les résultats. Voici avant tout la Quando Volvaras. Como es. ça vente tout là. Courage à Doudou qui va aller au taf ce matin. Ça y est, il est réveillé. Belle journée, mon ami Estelle aussi qui est là. Belle journée, Estelle. Orléans, 96.2 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut. Et puis, retour au stade hein, pour les nouveaux joueurs de l'USO. Aujourd'hui, les 11 nouveaux joueurs qui vont prendre possession du nouveau stade, découvrir leur nouveau collègue de travail. C'est ce qu'on dit aussi. Ben ouais, sur un terrain. Et la prochaine rencontre, ça sera contre l'AJ Auxerre. Hein, ça va être bien le 13 juillet. Voilà, une belle rencontre à ne pas rater sur l'arc-en-ciel. Et lui, on ne le rate pas depuis 40 ans. Le remix de Patrick Hernandez 2022 par Legendary. Voici Born to be Alive. Courage à vous pour le taf. Et belle journée. 28 degrés. Dans la radio plutôt sympatoche, le petit remix de Patrick Hernandez. Ah, on adore Disco ce matin, le nouveau super fun déjà sur les platines. Ah ouais, nous c'est le matin, c'est une discothèque vivante comme ça pour vous emmener à la porte du bureau, vous qui allez bosser en tongs, en short, bah ouais, tranquille, bientôt les vacances peut-être. Allez, belle journée comme nous dit Nora du côté de la source qui part travailler à l'hôpital d'Orléans. Salut Nora, passe une agréable journée à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Voici le tout nouveau Super Funk sur Radio Arc-en-Ciel. We'll be right back. just do the filler funk. Just do the funk, just do the funk, just do the filler funk. Just do the funk, just do the funk, just do the filler funk. Just do the funk, just do the funk, just do the filler funk. She's walking through the ceiling. Estelle, qui est là, qui est arrivée au boulot, ça y est, elle est partie. Ah ouais, il y en a qui travaillent ce matin. Coucou Carlos aussi. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Bah oui, on vous réveille, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous appeler. Vous voulez laisser un message peut-être pour les vacances, c'est bien, 02 38 43 48 00. Côté météo, c'est pas mal. La météo. Eh oui, je vous le disais, côté météo, le ciel est plutôt dégagé aujourd'hui. Les températures relevées du jour 13 degrés. Le Bermuda, les robes sont recommandées ce matin jusqu'à 28 degrés. C'est la bonne nouvelle. 28 degrés, ça va chauffer. Ah, dans la piscine peut-être. Peut-être, vous en avez une, sinon un truc gonflable, une pataugeoire. 28 degrés à l'ombre, c'est les températures d'aujourd'hui. Bien, il arrive. Jean-François Maurice, le petit remix des années 80 que vous adorez sur à la console. Bandir la planète. Le soleil est si haut. hein, c'est ce qu'il dit. Jean-François Maurice, 1982, 28 degrés à l'ombre, le petit remix Colette Kidjo. En terrasse du café, qui nous souhaite une belle journée, place du Mar 3, sous la statue de Jeanne d'Arc, avec du soleil, Rodrigo Ace, et vous l'aimez déjà. Samedi, attention, ne pas rater. Et dimanche, le plus grand festival radio arc-en-ciel, le festival des Saints Populaires, aura lieu le 9 et 10 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Samedi, à partir de 18h, défilé de 3 groupes de tambours, barbecue géant, avec sur scène le samedi le groupe Energia, Marquito. Dimanche, dès 9h, émission en direct du parc. Repas animé par Tony de Porto. Sur scène, Valentina Ferrari, Tony de Porto, Elena Correa, Nel Montero, Léo et Leandro. Fin des festivités avec les 3 groupes de tambour. Venez nombreux. Samedi, dimanche, ça va être énorme. Hein. Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. On va faire la fête avec vous, puis nous on sera aussi en direct hein, pour animer tout ça. Vous allez pouvoir voir nos têtes. Ah, peut-être que vous ne nous avez jamais vus. Ah, voilà. Full Sentimental, le remix. Et on adore. C'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. 7h47. Belle journée. Et bon réveil sous le soleil. 27-28 degrés aujourd'hui. Ça va faire du bien. autre chose. Votre réveil matin, c'est Francky. caso el del agua. Uno morena conmigo te pega del lado al lado, del lado al lado conmigo. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola. Se quede con los diamantes y el oro, que yo soy el lobo. One life, two worlds, English, Spanish. One night, two girls, English, Spanish. Balanza, que es una locura. Morena, trae a mi lado. Ninguém vai ficar parado. Quiero ver nascer futuro. Balanza, que es una locura. Morena, trae a mi lado. Ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. É pra quebrar o duro. Vamos dançar. Futuro, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seja moreno, loira, vem balançar. Futuro, oi, oi, oi. Rail, 7h56, coucou à Joanne d'Orléans qui nous écoute à Montpellier, qui est parti 15 jours en vacances samedi. Il nous fait plein de bisous, ça fait plaisir de nous écouter sur le net aussi, ouais, arc-en-ciel.fr. Et voici Maniac, il est Son of Legend. We'll be right back. ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Dime si te vas. Dime si te vas. Dímelo porque yo no puedo ni pensarlo. Dímelo que hicimos para dejar morir nuestro amor. No sé qué pasó, soy culpable de no haber sido más fuerte para los dos. Lo siento, lo siento. Lejos de tu mirada y de tu de tus besos, los recuerdos me tormentan. Y si tienes otro amor, amor, me muero de dolor. Quisiera volver atrás y empezar de nuevo. La météo pour jeudi, le ciel est dégagé, du soleil, encore du soleil toute la journée. Ça va briller, 13 degrés au lever du jour, c'est plutôt pas mal sur Orléans, La Chapelle Saint-Mémin, Olivet, Orléans-la-Source, et ça va briller toute la journée jusqu'à 28-27 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Normalement, toute la semaine, ça devrait perdurer. On devrait passer aussi encore un bon week-end. Bonnes vacances à vous si vous êtes en vacances, si vous êtes du côté de Montpellier, de Marseille, de Bordeaux. Eh bien, passez une excellente journée. Vous nous écoutez sur le 96.2 FM sur Orléans et sur le net. 8h03 avec la reprise de ABBA. Question, c'est voulez-vous, bah voulez-vous du soleil aujourd'hui? Bah oui, hein, il sera bien présent. Coucou Jean-Paul qui est là sur Saran. Salut Francky, belle journée. Je vais bosser dans la zone de Saran ce matin. Voilà, le taf, c'est la reprise. Je suis déjà parti 3 semaines en vacances. Bah vous voyez, il y en a qui partent de bonne heure. En tout cas, soyez prudents sur les routes. Des travaux sur la ligne A du tram Orléans avec les rails qui vont être changés. Et ouais, 20 ans déjà. Hein, donc les nouveaux rails vont arriver. Donc ils vont travailler de jour et de nuit, mais ça va poser quelques petites perturbations sur la ligne A. Voilà, belle journée, 8h06 avec Mafiosa qui arrive sur la Franciel. Bon réveil. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Y'en a qui sortent en équipe, pas venu monter une France en premier. J'suis avec ma go en fourraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Así você me mata. Torturé, j'passe qu'elle a su te censurer. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá tudo bem. É mafiosa, é mafiosa. É mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa. On va le cacher à tous mes potes qui rentraient. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Yo, t'en bais. C'est un long métrage.

señorita. Pour moi, ton regard fait briller larmes de joie. À travers toi, vivons un rêve, un espoir. Peut-être juste un soir, dans tes bras, je vais pouvoir enfin me reposer. Laisse-moi du courage si un jour tu pars. À présent, je sais, je ne le dis pas jamais. Tu es ma señorita. C'est en direct ce matin, señorita Amine Léa qui souhaite un bon anniversaire à sa maman qui aujourd'hui fête ses 58 ans. Bon anniversaire madame. Par contre, il n'y a pas le prénom, dommage. Bon, en tout cas, bon anniversaire. Léa passe une agréable journée sous le soleil de la radio arc-en-ciel. Vous êtes du côté de Main-sur-Loire, Chingy. Eh bien, on est là pour vous réveiller avec Purple Disco Machine. I've been hypnotized.

adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. C'est sur le 96.2 FM. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais.